Je veux aller à la montagne ce week-end, mais je ne peux pas parce que je dois étudier. J'ai beaucoup d'examens et mes amis et moi voulons avoir de bonnes notes à la fin du semestre. Et vous, vous pouvez vous amuser un peu ce week-end?